Edmond, qui s'est attribué le titre de son père, Clont Gloucester, rejoint à Douvres les troupes britanniques. Soupçonné par Wigan, désormais veuve, d'avoir partagé la couche de sa sœur aînée Gunril, Edmond, resté seul, s'interroge. « J'ai juré amour aux deux sœurs. Chacune fait horreur à l'autre, comme la vipère à l'être mordu. Laquelle prendrai-je? Toutes deux? L'une des deux? Ni l'une ni l'autre? Je ne pourrai posséder ni l'une ni l'autre si toutes deux restent vivantes. Prendre la veuve, c'est exaspérer, c'est rendre folle sa sœur Gunril. Et je ne pourrai guère mener à fin mon plan tant que vivra le mari de celle-ci. En tout cas, servons-nous de son concours pour la bataille. Cela fait, si elle désire tant se débarrasser de lui, qu'elle trouve moyen de le dépêcher. Quant à la clémence qu'il prétend montrer pour Lyre et pour Cordelia, le combat une fois fini, et leur personne en notre pouvoir, elle ne se manifestera jamais, car mon état, c'est de me défendre, et non de parlementer. »